Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle du dernier volet d'Harry Potter, nous retournons dans la chambre des secrets. Au moment d'un dîner important chez oncle Vernon, tante Pétunia et Dudley, soirée qu'Harry est contraint de passer dans sa chambre, Dodie, un elfe, vient voir notre apprenti sorcier. Il lui apprend que d'horribles dangers menacent l'école de Poudlard. Savez-vous quelque chose au sujet de la chambre des secrets? Oui. Au collège Poudlard, école de sorcellerie, la deuxième année a commencé. Et pour Harry Potter et ses amis... Bienvenue à la maison. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je vous demanderai de ne pas crier. Seigneur, nous avons des ennuis. Aujourd'hui, quelque chose menace ses élèves à Poudlard. La chambre des secrets a bel et bien été ouverte. Des choses terribles vont se passer. Si on ne trouve pas le coupable, l'école devra fermer. Et ils doivent affronter la plus grande aventure... Je suis morte. Comment ? ...de leur vie. Il faut espérer que Monsieur Potter sera toujours là. Harry Potter et la Chambre des Secrets, disponible en DVD et en Blu-ray, Warner Home Video.